Le temps passe. Alors que le roi apprit que le peuple danois se révoltait et demandait que le fils de Polonius, Laerte, revenu de France, devienne roi du Danemark, le roi commence à s'entretenir avec Laerte quand on lui apporte un message signé par Hamlet qui a pu échapper aux deux courtisans qui l'amenaient en Angleterre. Le roi lit le message d'Hamlet. Ô et puissant seigneur, vous saurez que j'ai été déposé nu sur la terre de votre royaume. Demain, je demanderai la faveur de voir votre royale personne. Et alors, après avoir réclamé votre indulgence, je vous raconterai ce qui a occasionné mon retour soudain et plus étrange encore. Hamlet.